بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. Donc on est dans la partie 41 maintenant, dans la lecture des fatwas de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma. Et on lit une autre fatwa au sujet des jama'at, des groupes contemporains, des organisations et des associations islamiques. Et qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet-là? On a posé la question au Cheikh: نرجو التكرم بالنصيحة والتوجيه للذين اختروا بمثل هذه الجماعات وانضموا إليها أو دعوا بدعوتها. On voudrait de votre part que vous nous faisiez l'honneur d'une nasiha, d'un conseil sincère et d'une orientation pour tous ceux qui ont été trompés par ce genre de groupe et qui sont entrés dans ces groupes et qui invitent à leur groupe et à leurs organisations. La réponse à cette question, le cheikh il dit: al jawab ندعو جميع شباب المسلمين وخصوصا في هذه البلاد الى الرجوع عن الخطا وان ينضموا الى الفرقه الناجيه الممثله او الممثله باتباع الكتاب والسنه ولله الحمد كما كان عليه علماء هذه البلاد الحقيقيون وشعبها فكلهم نشأوا على التوحيد وصاروا على الجادة الصحيحة والمنهج الصحيح ولا نلتفت إلى الفرق وإلى الجماعات وإلى الحزبيات وإلى المخالفات لأن هذا يسلب هذه النعمة عن بلدنا أو عن بلادنا ويشتت جماعتنا ويفرق بين قلوبنا وهذا التعادي الذي يحصل بين الشباب الآن هو بسبب الانضمام إلى هذه الجماعات والاغترار بها وترويج أفكارها فأدعوهم إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الذي يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة والمنهج الذي صارت عليه الدعوة الإصلاحية التي تبنتها بلادنا منذ أكثر من 200 سنة الممثلة بدعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي دعوة ناجحة قامت عليها بلادنا حتى أقر الأعداء أننا نعيش أرقى أنواع الأمن والاستقرار والسلام في العالم فلماذا نستبدل هذه النعمة لأفكار الآخرين التي ما نفعت في بلادها ولا كونت في بلادها جماعة إصلاحية ولا تحولها من علمانية أو وثنية أو قبورية إلى جماعة إسلامية صحيحة فهذا دليل على عدم نجاحها فلماذا نحن نعجب بها ونروج وندعو لها. Donc le cheikh il répond, il dit: on invite tous les jeunes musulmans et en particulier ceux de ce pays de revenir de leur erreur et de rentrer dans ce groupe sauvé qui est représenté par le fait de suivre le Coran et la Sunna par la grâce d'Allah, comme les savants de ce pays ainsi que le peuple de ce pays l'ont toujours été, et ils ont tous grandi sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, et ils ont suivi cette voie, ce chemin qui est le chemin correct et la voie qui est la voie correcte, et on ne doit pas se tourner vers les différentes sectes et les différents groupes et les différents partis et les divergences, parce que si on suit ces différents groupes-là, eh bien, ça va nous enlever cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ce pays. Et ça va diviser notre jama'a, et ça va diviser nos cœurs. Et cette opposition, ou cette animosité qui arrive maintenant, et qui se produit entre les jeunes, actuellement, ça c'est parce que certains d'entre eux sont rentrés dans certains de ces groupes, et ils se sont laissés tromper par ces groupes et ils ont propagé ces idéologies. Donc je les invite à s'accrocher à la aqida, à la bonne croyance et à la bonne voie, qui est d'appeler à suivre le Coran et la Sunna et la méthodologie de ceux qui ont marché sur cette voie et cette invitation à la réforme, à la réformation, qui a été la base de ce pays, en parlant de l'Arabie Saoudite, bien entendu, depuis plus de 200 ans, et qui est représenté par la da'wa qu'a fait l'imam, le réformateur, le Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et c'est une da'wa qui a eu du succès et qui a fait ses preuves et qui a établi donc, qui a été à la base de ce pays, hein, l'Arabie Saoudite. Et même les ennemis ont confirmé que ce que nous vivons est un des niveaux les plus élevés et les plus évolués de stabilité et de sécurité et de paix dans le monde entier. Alors pourquoi allons-nous changer cette grâce que nous avons pour les idées des autres qui n'ont même pas pu faire profiter par les idées qu'ils ont, ils n'ont même pas pu ramener rien de bénéfique dans leur propre pays. C'est-à-dire les groupes qui viennent, par exemple, là il parle de l'Arabie Saoudite, mais ça peut s'appliquer également à d'autres contextes ou à d'autres pays, dans le sens que on doit tous suivre le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs salih et s'écarter des groupes et des organisations et des sectes qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs salih. Si on veut être unis et si on veut s'écarter de la division et ramener vers nous les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ramènent par exemple en Arabie Saoudite, qui est un pays musulman, un état islamique qui applique l'islam et la sharia, qui enseigne la aqida des salafs et qui prêche le tawhid et qui combat les innovations, le shirk et les bid'ah. Donc ce pays là des gens vont là-bas pour essayer de propager leur groupe et leur secte, comme les Ikhwan, comme Jamaat Tabligh ou d'autres. Et ces groupes-là, dans leur propre pays, ils n'ont pas rien fait de bénéfique. Tu vois que, par exemple, les Ikhwan, dans les pays, par exemple, où les Ikhwan ont commencé leur da'wah, comme en Égypte, par exemple, ou dans d'autres pays arabes, qu'est-ce que les Ikhwan ont réussi à faire depuis la fondation, depuis leur origine? Qu'est-ce qu'ils ont été capables d'établir dans ces pays-là? Rien. Hein? L'adoration des tombes, elle existe encore là-bas. Et les bid'ahs, ils existent encore là-bas. Et les lois des hommes, c'est toujours par ces lois-là que les gens jugent et dirigent. Le séculisme et la laïcité et toutes différentes formes d'adoration des tombes et de shirk et toutes sortes de superstitions, ils sont propagés dans ces pays-là ouvertement et personne ne peut les condamner ouvertement. Ou bien même si on les condamne ouvertement, sur le plan légal ou sur le plan de l'État, il n'y a rien qui est fait pour arrêter ces choses-là. Donc, c'est la preuve que ces groupes-là, ils n'ont pas de succès dans les endroits d'où ils viennent et d'où ils sont partis. Alors, pourquoi on vient dans notre pays pour vouloir propager ces choses-là? Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Hein? Ensuite, on a posé au cheikh une autre question. السؤال الأخذ بمناهج دعوية مستوردة وافدة هل لذلك أثر على العقيدة إذا علمنا ضعف عقيدة المتبوعين أو ضعف عقيدة الولاء والبراء أو عدم التفريق بين الفرق الضالة بمناهجهم عند أولئك جزاكم الله خيرا. Donc le cheikh, on a posé la question au cheikh Al-Fawzan au sujet des différentes méthodologies de da'wa qui viennent de l'extérieur, l'Arabie Saoudite, et est-ce que ces groupes-là ont un effet sur la croyance, si on sait que les gens qui amènent ces méthodologies-là ont une faiblesse dans la aqida, ils ont une faiblesse aussi dans la aqida de Al-Wala wal-Bara, dans l'allégeance et dans le désaveu, ils ont aussi une faiblesse dans le sens qu'ils ne font pas de distinction entre les différentes sectes avec leurs différentes méthodologies, hein, au sein même de leur groupe, Jazakumullahu khairan. Donc il veut un conseil. Et ça, ici, le cheikh, il répond à cette question et il donne l'explication et le conseil. Il dit, Al-Jawab, Al-Faisal, fi hadha huwa tiba'u manhaj al-Rasul. Manhaj al-Rasul. خصوصا خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل كان أول ما يأمر به ما أول ما يأمر بالتوحيد ويوصي دعاته أن يدعو أول شيء إلى التوحيد ثم يأمر بعد ذلك بأوامر الدين بأوامر الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. Donc la première, on va traduire par partie. La première partie de cette réponse, le cheikh il dit que l'élément qui vient trancher dans cette question, c'est le fait de suivre la méthodologie des messagers et des prophètes. En particulier, le dernier d'entre les prophètes, qui est le prophète, le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui est venu sceller, qui est le sceau des prophètes, qui est venu sceller la prophétie. Donc, tous les prophètes, du premier au dernier, ils ont tous ordonné les gens d'établir le tawhid, de croire en l'unicité d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a ordonné aux gens, c'est le tawhid. Et quand il envoyait des gens pour enseigner l'islam, il leur ordonnait d'appeler les gens au tawhid en premier. Puis ensuite, il leur ordonnait les autres ordres de la religion, comme la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Comme dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh que la première chose à laquelle tu les invites soit le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadan Rasulullah. Si ils t'obéissent dans cela, alors apprends-leur que Allah a ordonné 5 prières. Donc ça c'est le hadith qu'on connaît qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Ibn Abbas radiallahu anhuma et jusqu'à la fin du hadith. Ensuite le cheikh il dit summa aydan منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة مأخوذ من سيرته ومن كتاب الله لأن الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو إلى الله فيجب على الداعية أن يكون مخلصا في نيته بأن يكون قصده الدعوة إلى الله ليس قصده الدعوة إلى نفسه أو الدعوة إلى شخص معين أو منهج معين أو طائفة معينة وإنما يقصد الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ونفع الناس وهذا قصد الداعية المخلص. Donc le cheikh explique, on va traduire cette partie, que ensuite on doit comprendre que dans la méthodologie du messager sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa, elle est extraite de sa vie à lui, de sa biographie et du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 125 dans surat An-Nahl, appelle ou invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation et argumente avec eux de la meilleure manière, de la meilleure façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète, dit, dans ça c'est dans le verset 108, dans Sourate Yusuf, Allah il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, voici mon chemin, voici ma méthode, ma voie. J'invite les gens à Allah avec connaissance, moi ainsi que ceux qui me suivent, et pureté à Allah, et je ne suis pas du nombre des mushrikines. gloire à Allah, je ne suis pas du nombre des gens qui font le shirk. J'invite les hommes à Allah. Donc, le cheikh il dit, c'est obligatoire au da'ya d'être sincère et d'avoir une intention pure pour que son intention dans sa da'wa soit uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas d'avoir des intentions d'appeler à lui-même ou d'appeler à un individu en particulier, hein, comme certains qui appellent à un cheikh ou à un imam ou à un individu ou à un madhab ou un groupe en particulier. Non, tu dois uniquement avoir comme objectif d'inviter les hommes à Allah et de faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière et de faire profiter les gens. C'est ça qui doit être l'intention de la personne qui fait la da'wah, qui invite à Allah, qui est da'ya et qui est mukhlis, qui est sincère. Ensuite, le cheikh il dit, يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذه الآية أدعو أو أدعو إلى الله قال فيه وجوب الإخلاص في الدعوة لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله فالذي يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى طائفة أو يدعو إلى منهج أو يدعو إلى متبوع لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى ما دعا إليه من غير الله فالواجب على الداعية أن يكون قصده الإخلاص لله عز وجل ويكون قصده نفع الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور لا التحزب ولا التجمع مع الطوائف الأخرى ولا المنازعات والخصومات ولا الانتصار لفلان أو علان وإنما ينتصر للحق ويتبع منهج الحق وهذا هو الذي يدعو إلى الله على المنهج الصحيح. Donc on va traduire cette autre partie. Le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a dit au sujet du verset, j'invite à Allah, lorsque Allah il dit au prophète, hein, ce qu'il doit dire à ce sujet-là, dit « Voici mon chemin, j'invite à Allah ». J'invite à Allah, c'est-à-dire qu'il y a dans ça l'obligation de faire preuve de sincérité et de pureté dans notre intention quand on fait la da'wah. Parce que certaines personnes, ils n'invitent qu'à eux-mêmes et ils n'invitent pas les hommes à Allah. Donc celui qui invite à lui-même ou qui appelle les gens à un groupe ou qui appelle les gens à une méthodologie ou qui appelle les gens à suivre quelqu'un en particulier qui est suivi par des gens, il n'appelle pas à Allah. Il fait que appeler à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'obligation pour la personne qui fait la da'wah, qui est da'ya, qu'il faut que c'est obligatoire que son intention soit pure et qu'il le fasse uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que son intention soit dans le but de faire profiter aux hommes et de les faire sortir des ténèbres vers la lumière et non pas de faire des groupes, de faire des regroupements, rassemblements, des partis, hein, voilà tajammu, donc pas de faire des groupes, des regroupements ou des rassemblements avec les autres groupes ou bien des disputes ou des conflits ou des choses comme ça, ni de faire d'essayer de défendre un tel ou un tel. Il doit uniquement défendre la vérité et suivre la méthodologie et la voie de la vérité. Ça, c'est celui qui appelle à Allah, hein, et qui est sur la voie de qu'est-ce qui est correct. Ensuite, le cheikh il dit: "Ad-da'watu ila Allah bil-ikhlas wa ad-da'watu ila Allah بالحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن هذا منهج الدعوه المستفاد من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هذا المنهج فهو الداعيه الى الله حقا ومن خالف هذا المنهج فانه ليس داعيه الى الله وانما هو داعيه لما اراد من الامور الاخرى فلا بد من هذا المنهج والمنهج في الإسلام واحد لا مناهج في الإسلام. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا منهج الإسلام, هذه المناهج الأخرى, وهذه المناهج الأخرى. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ليس في الإسلام إلا منهج واحد, منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه السلف, الذي سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الدعاة والمجددين لدين الله. منهج واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف. وعلامة هذا المنهج أن الذين عليه لا يختلفون, بل يكونون جماعة واحدة لا يختلفون فيه, كما قال تعالى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه, بل يكونون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعلامة المناهج المنحرفة وجود الاختلافات بين أهلها والعداوة بين أهلها والنزاع بين أهلها. فهذا هو الفارق, والواجب أن نكون على منهج واحد, منهج الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة, وهو المنهج الصحيح الذي يجب أن نسير عليه في دعوتنا إلى الله وفي عملنا وفي علمنا وفي جميع أمورنا. لو أخذنا بهذا لم يحصل اختلاف ولم يحصل عداوات ولم يحصل تفرق, وإنما يحصل التفرق من مخالفة هذا المنهج والتماس مناهج أخرى. وهذا هو الذي يوجب التفرق والاختلاف, كما قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق. Donc le cheikh il termine cette fatwa et cette longue nasiha en disant que la da'wa à Allah, elle doit être faite avec pureté, sincérité dans l'intention. La da'wa à Allah, elle doit être faite avec sagesse et avec la bonne exhortation et avec l'argumentation qui est la meilleure. Et également, cette méthodologie dans la da'wa, elle doit être prise du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et de la voix de ceux qui ont suivi cette voie et de l'exemple de ceux qui ont suivi cette méthodologie. Donc c'est lui qui fait, celui qui suit ça, c'est lui qui est le vrai da'ya, celui qui est le vrai da'ya. Celui qui contredit cette méthodologie là il n'est pas un da'ya, il n'appelle pas à Allah, il appelle juste à des choses autres qu'il veut lui. Donc il faut absolument ce manhaj. Le manhaj de l'islam, c'est un manhaj unique. Il n'y en a pas plusieurs manahij dans l'islam, plusieurs voies, plusieurs méthodologies, contrairement à ce que certains prétendent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Fatiha, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur quel, qui ont reçu ta grâce et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ou ni de ceux qui se sont égarés. Donc c'est une seule voie, c'est un manhaj, c'est ça le manhaj de l'islam. Et les autres méthodologies, ça c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, « وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا » Voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petites voies qui vont vous diviser de son chemin. Donc il n'y a pas d'autre dans l'islam qu'un seul manhaj. Et c'est le manhaj du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de ceux qui ont suivi cette voie parmi les salaf al-salih, les prédécesseurs pieux, parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui sont venus après eux, parmi les gens qui ont appelé à cette voie et qui ont rénové ou réformé la religion d'Allah en la purifiant des choses qui ont été rajoutées dedans. Donc c'est une méthodologie unique, il n'y a pas de section ou de fraction ou de différentes branches à l'intérieur, dans le sens que différentes divisions à l'intérieur, sous-divisions ou des choses comme ça, il n'y a pas de divergence non plus. Et le signe de cette méthodologie, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de divergence entre nous. Parce que nous sommes une seule jama'a, un seul groupe qui ne diverge pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 13, dans surat Shura, et établissez la religion et ne divergez pas ou ne vous divisez pas à son sujet. Donc, ils sont ceux sur qui Allah a mis sa grâce parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les hommes pieux. Et le signe des méthodologies d'égarement, c'est la présence de division et de divergence entre les gens qui suivent ces différentes voies et la haine qui existe entre eux et les oppositions et les divergences entre eux. C'est ça le critère de distinction. Et qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, c'est que nous soyons sur une seule voie, une seule et même voie, la voie du Coran et de la Sunna et des salafs de cette Umma, les prédécesseurs de cette Umma. Et c'est ça la voie qui est bonne et qui est correcte et qui est obligatoire pour nous de suivre dans notre da'wah à Allah et dans nos actions et dans notre connaissance aussi et dans toutes nos affaires. Et si on prenait cette voie, il n'y aurait jamais de divergence entre nous et il n'y aurait jamais d'animosité ou de haine entre nous et il n'y aurait pas non plus de division. La division arrive uniquement lorsqu'on suit ou lorsqu'on a des divergences dans notre méthodologie et qu'on cherche à prendre d'autres méthodologies. Ça, c'est la chose qui amène entre nous de la division et de la divergence, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si vous vous détournez, alors vous êtes uniquement dans la division. Donc, ça c'est la fin de cette fatwa. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis, Inch'Allah, on continuera à lire d'autres fatwas sur ce sujet-là, et d'autres aussi. Les prochaines questions dans le livre sont au sujet de la salafia. Donc, Inch'Allah, on va lire ces fatwas, Inch'Allah, demain et dans les cours suivants. Il en reste quelques-unes. Et ensuite, on commencera à lire des fatwas sur l'avertissement des ulama envers certains individus spécifiques, hein, lorsque on met en garde envers des individus spécifiques, comme certains savants le font, comme Cheikh Al-Fawzan le fait lui aussi. On va voir des exemples de ça. Puis après, on va parler d'une autre catégorie de fatwa, les fatwas au sujet des méthodologies et des moyens de la da'wah. Et on va réfuter beaucoup d'innovations là-dessus, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.